lever. Toi tu te mettais à pleurer. Des larmes glissaient comme des escargots. Les jours de pluie, les escargots ne disent rien de ton amour que je perds. Et quand le soleil revient, ils dorment dans leur coquille. Je croyais tout à fait avoir perdu ton amour. Tout s'était écroulé. Je ne te parlais plus. Je te reprochais tout perdu. Et les escargots glissaient. Les escargots ne disent rien de ton amour que je perds. Et quand le soleil revient, ils dorment dans leur coquille. Les escargots ne disent rien de ton amour.